cadeau du fleuve. Page 31. Le soleil se lève sur le pays d'Égypte. Lentement, la nature s'éveille avec lui. Comme chaque jour, la fille de Pharaon descend faire sa toilette dans les eaux du Nil. Elle aime se lever tôt pour profiter du silence. Ce matin pourtant, à peine entrée dans l'eau, elle se redresse. Elle a entendu quelque chose. Elle tend l'oreille. Le bruit recommence, un peu étouffé. La princesse s'avance jusqu'au roseau. Elle découvre alors une corbeille en osier dans laquelle un bébé pleure doucement. « Oh, un enfant, comme il est beau !» s'exclame-t-elle devant le visage rond, les pieds minuscules et les petits bras potelés. Les servantes accourent. « C'est un petit hébreu, un fils d'esclave !» dit l'une d'entre elles. « Sa mère l'a sans doute caché là pour le sauver !» La fille de Pharaon sait que son père a ordonné de tuer tous les petits garçons qui naissent au sein du peuple hébreu, car il craint que ses esclaves ne deviennent trop nombreux et trop puissants. « Je ne veux pas que cet enfant soit tué !» lance-t-elle. « Je vais l'élever comme mon propre fils. Je l'appellerai Moïse, celui qui est sauvé des eaux. » Ainsi, Moïse grandit à la cour du roi d'Égypte. Mais plus le temps passe, et moins il supporte de voir les Hébreux humiliés et exploités. Un jour, envahi par la colère, il tue un Égyptien qui battait un esclave. Moïse doit fuir. Il n'a pas le choix. On ne tue pas un Égyptien sans être puni et puni de mort. Dans le désert, où il a trouvé refuge, Moïse mène une vie heureuse. Il s'est marié et garde les troupeaux de son beau-père, Jéthro. Mais un matin, dans la montagne, il aperçoit un buisson étrange qui brûle sans se consumer. Il s'approche avec prudence, lorsqu'une voix l'appelle du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Me voici !» répond Moïse avec simplicité. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, » reprend la voix. « J'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte. Va et délivre-le pour le conduire à la terre que j'ai promis de lui donner. » Moïse a peur. Beaucoup veulent sa mort en Égypte parce qu'il a tué un homme. Et puis, il ne sait pas faire de beaux discours. Il ne fait plus partie de la famille de Pharaon. Il est devenu un simple berger. Qui voudra l'écouter ? « Va, insiste le Seigneur, je serai avec toi. Je t'aiderai. Et je t'enseignerai ce que tu as à dire. Retourne en Égypte. Ceux qui voulaient te tuer sont morts. » Quelques semaines plus tard, Moïse se tient devant Pharaon. « Le Seigneur, le Dieu d'Israël, te demande de laisser partir son peuple, » lui dit-il avec aplomb. Pharaon ricane. « Je n'obéis pas au Dieu d'Israël. Il n'est pas question que je laisse partir les Hébreux. Si tu refuses, menace Moïse. « Ton pays souffrira !» Pharaon le dévisage d'un air moqueur. « Pour qui ce berger se prend-il »« Les Hébreux ne partiront pas !» répète-t-il avec force. Le lendemain, les Égyptiens sont réveillés par des hurlements. « Le fleuve ! Le fleuve !» crie une femme. Les Égyptiens regardent vers le Nil et se figent. « C'est du sang !» s'affole la femme. « Les eaux du Nil ont été changées en sang !» Lorsque Pharaon apprend la nouvelle, il grince des dents. Se peut-il que le Dieu de Moïse ait mis sa menace à exécution ? Qu'à cela ne tienne, il ne cédera pas. Alors, Dieu envoie des grenouilles, puis des moustiques et des taons qui envahissent les champs et les maisons. Les bêtes grouillent et pénètrent partout, dans les gardes-manger et jusqu'au berceau des bébés. Mais Pharaon reste impassible. Le bétail est décimé, les bêtes meurent une à une. Puis, c'est au tour des hommes. Leur peau se couvre d'affreuses pustules. Pharaon s'entête. La grêle s'abat sur le pays, dévastant tout. Dans les champs, les épis sont broyés. Puis, ce sont des nuées de sauterelles qui dévorent les cultures. Bientôt, il n'y a plus rien à manger. Une terrible famine frappe l'Égypte, mais Pharaon serre les dents. Lorsque le pays est plongé dans les ténèbres, les conseillers de Pharaon le supplient de laisser partir les Hébreux. Ils ont peur. Quand ces malheurs s'arrêteront-ils ? Mais le cœur du roi est devenu dur comme la pierre. Seule une catastrophe plus terrible encore réussira à le faire fléchir. La mort de tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Ce matin-là, des pleurs immenses retentissent. Aucune famille égyptienne n'a été épargnée, pas même celle de Pharaon. Seuls les Hébreux ont eu la vie sauve. Moïse leur a demandé d'enduire leurs portes du sang de l'agneau de la Pâque. Le Seigneur a reconnu leur maison, il ne leur a fait aucun mal. Cette fois-ci, Pharaon est effondré. Il a perdu son fils aîné. Il est inconsolable. « Partez !» ordonne-t-il enfin à Moïse. « Partez !» Alors, les Hébreux quittent le pays d'Égypte à la hâte. Ils se dépêchent, car Pharaon regrette déjà. Dans sa colère, il envoie des soldats à leur suite pour les retenir. Lorsque l'armée de Pharaon rejoint enfin les Hébreux, les soldats freinent leurs chars. Ils sont terrorisés. Devant eux, en effet, la mer s'est ouverte en deux pour laisser passer Moïse et les siens à pied sec. « Quel est donc ce Dieu qui commande aux ténèbres, aux insectes et à la mer ?» se demande-t-il avec crainte. Les hommes hésitent, mais leur chef ordonne. « En avant !» Alors, les chars égyptiens s'engagent entre les murailles d'eau, à la poursuite des fils d'Israël. Ils n'iront pas loin. La mer se referme sur eux tout à coup et les engloutit. Sur l'autre rive, les Hébreux sains et saufs chantent leur joie. Ils ont réussi avec la grâce de Dieu. Ils sont libres. Béni soit le Seigneur qui les a conduits. Grande est sa victoire.